Le problème des retraites aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas s'il faut vraiment modifier quelque chose. On ne sait pas si les paramètres mis en place par Emmanuel Macron sont les bons. On se demande s'il n'y a pas des solutions un peu miracles comme celles proposées par Oxfam en taxant les milliardaires. Bref, on ne sait vraiment pas où on en est dans cette réforme des retraites. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Christian Saint-Étienne, qui est économiste, qui est spécialiste des retraites, de nous aider à mieux comprendre où on est. D'autant que moi, par exemple, qui étais plutôt favorable à cette réforme, eh bien d'entendre des syndicats comme la CFDT, qui sont des syndicats réformistes, dire qu'ils ne sont pas d'accord, bah, ça m'a un peu ébranlé dans mes convictions. Donc, Christian Saint-Étienne, bonjour. Bonjour. J'en profite pour dire que vous avez un livre qui va sortir, je crois que c'est demain. Oui. Donc, c'est un livre qui s'appelle Le conflit sino-américain, est-ce que vous Pour la pouvez me redire, domination mondiale. par domination mondiale, et voir la France et l'Europe à l'intérieur de ce conflit. Je mettrai un lien dans la description pour ceux qui veulent aller voir ce livre chez votre éditeur. Donc, ma première question, Christian Saint-Étienne, c'est est-ce qu'il y a vraiment besoin d'une réforme des retraites? Est-ce que le régime est en péril? Parce qu'on nous dit qu'aujourd'hui, c'est à l'équilibre. On nous dit même qu'il y a un fonds de réserve des retraites d'une valeur de 150 milliards qui a été mis en place par Jospin, et donc on a 150 milliards pour équilibrer les retraites. Et on nous dit que le régime aujourd'hui est à équilibre et que peut-être dans 10 ans, c'est-à-dire en 2030, il sera en déficit. Quelle est la réalité? Parce qu'on n'arrive pas à connaître la réalité de ce Bon, péril qu'on parle c'est aujourd'hui. très dommage parce que c'est un des rares domaines où on a des informations fiables. Quand vous prenez le nombre d'actifs par cotisant, il était de 4 en 1960, il est de l'ordre de 1,7 aujourd'hui et il va tomber à 1,5 en 2040. On passe de 4 à 4 personnes travaillant pour un retraité à 1,5 personnes travaillant pour un retraité, sachant que les gens qui travaillent, non seulement ils doivent financer les 17 millions de retraités, mais ils doivent financer les 17 millions de jeunes. Donc en réalité, ils portent deux générations sur leurs épaules. Donc par ailleurs, le problème avec le corps dans ses prévisions, c'est qu'il utilise des hypothèses très optimistes. Il se base sur l'idée qu'on pourrait avoir un taux de chômage qui pourrait tomber à 5%, alors qu'il est en moyenne de 8% depuis 30 ans. Et par ailleurs, une croissance qui accélérerait, alors que malheureusement, depuis 20 ans, nous sommes collés à une croissance moyenne depuis 20 ans, donc de 1%, alors que l'économie française aurait besoin d'une croissance de 2% par an pour équilibrer les comptes. Donc actuellement, le déficit hors régime des fonctionnaires, le déficit des retraites, c'est 10 milliards par an. Et on en parle très peu, mais l'État surfinance avec nos impôts le régime de retraite des fonctionnaires à hauteur de 30 milliards par an. Donc le déficit réel de l'ensemble des systèmes de retraite, c'est actuellement 40 milliards par an. Donc ça fait plus d'un point et demi de PIB par an, sachant que l'ensemble des administrations publiques sont en déficit de 5 points de PIB par an. On est aujourd'hui l'État le plus en difficulté en Europe. Nous sommes le seul des quatre grands pays de la zone euro qui est frappé par ce qu'on appelle le double déficit, c'est-à-dire un énorme déficit public et surtout un déficit extérieur. Donc, quand vous avez un énorme déficit extérieur, comme celui de la France, déficit commercial, c'est que vous ne produisez pas assez par rapport à ce que les gens demandent. Et donc, c'est le reste du monde qui vous fournit des marchandises, sauf que ça accroît l'endettement extérieur de la France, qui est aujourd'hui de 700 milliards par an. Donc, il faut réduire ce déficit. Et la réforme proposée par Macron, enfin, c'est pas Macron qui la propose, c'est l'ensemble des analystes. Il y a un consensus. Macron va pas aussi loin d'ailleurs. Macron voulait au départ un âge de départ de 65 ans. Donc là, il s'est calé sur 64 ans et avec une durée de cotisation de 43 ans. Alors, bon, la plupart des spécialistes considèrent que pour équilibrer le système, il faut un âge de départ de 64 ans, mais une durée de cotisation de 44 ans. Bon, ça fait un an d'écart. Et la question, d'ailleurs, c'est que le gouvernement explique très mal cette réforme, puisqu'il l'explique essentiellement pour réduire le déficit. Alors, ça ne touche pas aux 30 milliards de déficit du système public, des fonctionnaires, mais ça élimine le déficit de 10 milliards des régimes de retraite hors fonctionnaires. Donc, c'est déjà un quart des 40 milliards de déficit qui disparaît. Mais surtout, là où le gouvernement pêche, je pense d'ailleurs que c'est pas du tout de la méchanceté, hein, mais je pense que le gouvernement le dit pas parce qu'il le comprend pas, en fait. C'est que l'allongement de la durée de cotisation ou le recul de l'âge de départ, ça augmente la croissance. Parce qu'il y a, quand vous regardez en termes d'économie, d'analyse économique, les origines de la croissance est fondée sur le travail. On parle souvent de deux facteurs de production, le capital et le travail, mais le capital, c'est du travail accumulé. Donc, la seule source réelle fondamentale de richesse d'un pays, c'est le travail. Et les Français travaillent beaucoup moins par semaine. Hein, la durée hebdomadaire en France est de 35 heures. C'est plus court que dans les pays du Nord. Et puis, sur la durée de vie, que dans les autres pays. Alors, même avec cette réforme, d'ailleurs, alors, c'est pas 64 ans demain, c'est 64 ans en 2030. Et avec 64 ans en 2030, on aurait encore en 2030 le régime le plus favorable d'Europe. Puisqu'en 2030, la plupart des autres pays sont annoncés à 65 ou 67 ans. Et donc ce que le gouvernement ne dit pas, bon, Bruno Le Maire l'a évoqué une fois, mais enfin, c'est pas notamment au cœur de la communication de Macron et de son Premier ministre, c'est que cette réforme pourrait ajouter à 0,1-0,2 de taux de croissance annuel dont on a vraiment besoin. Hein. Si on passe vraiment de 1% de croissance à 1,1-1,2, ça fait une augmentation de la croissance de 10% si on passe à 1,1 ou de 20% si on passe à 1,2. Alors, quel est le problème pour moi de cette réforme? D'abord, je pense que le gouvernement comprend pas cette réforme puisqu'il n'explique pas que ça va impacter positivement la croissance. Le deuxième problème, qui pour moi est purement politique mais qui me gêne beaucoup, je suis généralement poli et gentil, mais en fait Macron a merdé en 2019, hein, excusez-moi du terme, c'est en 2019 qu'il fallait faire la réforme. Alors Macron a voulu faire en 2019 la fameuse réforme à points, contre laquelle je me suis beaucoup battu, c'est une fausse bonne réforme. C'était l'idée de Macron, qui était assez subtile et vicieuse, c'était qu'en faisant le système par points, on évitait toutes ces questions d'âge de départ, ainsi de suite. Chacun accumulait des points et partait en fonction du nombre de points qu'il avait accumulés. Mais ce que Macron ne disait pas, c'est que la valeur du point allait baisser chaque année pour les 50 prochaines années. Hein? Donc, on ne reculait pas l'âge de départ, mais vous auriez eu des retraites beaucoup plus faibles après. Donc moi, j'ai toujours dit, je préfère avoir quelque chose qui provoque un débat, y compris des manifs, mais qui est compréhensible par tout le monde, qui a un recul de l'âge de départ, mais en contrepartie, qui permet de maintenir le niveau des retraites pour tous ceux qui vont arriver à la retraite. Donc tous les gens qui ont aujourd'hui plus de 55 ans, pensent à leur retraite. Et s'ils arrivent à la retraite, alors là aussi un point clé, le nombre d'années passées à la retraite en France, c'est-à-dire une fois que vous êtes à la retraite, combien de temps vous êtes vivant et vous recevez une pension, en France c'est 25 ans et c'est 4 ans de plus que la moyenne de tous les pays de l'OCDE, c'est-à-dire des 30 pays les plus riches du monde. Donc le régime de retraite en France est très favorable et le recul de 2 ans est conforme au vieillissement de la population. Voilà. On ne peut pas demander aux actifs de prendre en charge 1,5 retraité plus un jeune. Ça veut dire que chaque actif porte 2,5 personnes sur ses épaules. C'est pas possible. Donc sinon le système va s'effondrer. Voilà. Alors. Mais en même temps, moi, si vous voulez, j'ai vécu plusieurs réformes des retraites. je ne sais pas si j'en ai vécu 5 ou 6, mais et à Vous chaque fois, avez on dit aux vécu au gens, moins 3 ou 4. voilà, et à chaque fois, on dit, vous allez travailler plus vieux ou vous allez travailler plus de trimestres. Bon, moi, je m'en fiche, j'ai un métier plutôt sympa, mais il y a des gens qui ont des métiers pénibles, etc. Et en fait, et même pour des métiers comme le mien, finalement, on a l'impression qu'on va finir à 70, 75 ans parce que j'en ai 47, le temps que j'arrive aux 64 ans, je suis sûr que j'aurai encore vécu trois autres réformes qui vont. Donc, Peut-être est-ce trois, que mais c'est la bonne au solution? moins une. Au moins. Mais du coup, est-ce que c'est vraiment une bonne chose de faire comme ça, des réformes qui sont purement paramétriques et où on éloigne de plus en plus notre âge de départ à la retraite, ce qui en plus énerve tout le monde, hein. Si aujourd'hui il y a deux tiers des Français qui sont contre, c'est que Ouais. ça énerve tout le monde. Alors qu'on a une grande partie des Français, j'ai ici un sondage voilà, qui a été fait pour les Échos, où on voit, alors je vais le montrer parce qu'il, hop, il n'est pas apparu, voilà. Il y a un sondage des Échos qui montre qu'il y a une grande partie des Français qui sont favorables à une réforme des retraites, mais ils ne veulent pas celle-là. C'est-à-dire Ouais. ils veulent pas qu'on continue toujours à décaler l'âge parce qu'on ne voit pas le bout, en fait. C'est ça, je crois, Ouais. le gros OK. danger, c'est qu'on n'en voit pas le bout. Alors, donc moi et la plupart des spécialistes des retraites qui malheureusement constatent que l'économie française est plombée depuis 20 ans par une dépense publique gigantesque. C'est pas en soi là d'ailleurs l'importance de la dépense publique, mais c'est le fait qu'elle n'est pas efficace. Parce que si on avait une dépense publique, nous avons aujourd'hui une dépense publique qui tourne autour de 56, 57 points de PIB par an. C'est 9 points de PIB de plus que la moyenne des autres pays de la zone euro. Sur le principe, moi, je m'en moque que ce soit 9 points de plus que les autres. Si on avait zéro chômage, notamment des jeunes, si tous les jeunes étaient bien formés à 18 ans, s'il y avait zéro insécurité sur le territoire, si nous avions la dépense de recherche et d'innovation la plus élevée du monde, et si nous avions 3% de croissance, ça serait un modèle enviable. La question, c'est celle de l'efficacité de cette dépense. Quand vous avez une dépense colossale et un niveau de chômage très élevé, une insécurité très élevée, une croissance mauvaise, c'est que le système a un problème d'efficacité. Alors, je reviens à cette question que j'ai beaucoup traitée, j'ai beaucoup écrit et travaillé sur cette question, c'est celle de la réforme paramétrique. Moi, j'ai toujours dit qu'il fallait une réforme paramétrique, mais que la réforme paramétrique, c'était un des éléments de la réforme. Alors, il y a deux autres, au moins, éléments clés qu'il faut mettre en œuvre. Le premier, c'est de prendre en compte la pénibilité et le nombre d'enfants. C'est pour ça que j'ai toujours proposé que il y ait une réduction de à la fois de l'âge de départ et de la durée de cotisation pour les emplois les plus pénibles qui pourraient atteindre jusqu'à 2 ans. On peut considérer que si on mettait en place ce régime, entre 10 et 15% de la population bénéficierait de cette réduction de 2 ans. Et peut-être 15% de plus d'un an. Donc, c'est une mesure considérable parce qu'elle joue et sur la durée et sur l'âge. Imaginons que vous soyez dans les 15% de travailleurs qui auraient le bénéfice des 2 ans, au lieu de partir à 64 ans avec 44 ans de cotisation, ils partiraient à 62 avec 42 de cotisation. Donc, c'est vraiment ces 2 ans de moins et sur la durée et sur l'âge. Ça, c'est le premier point. On peut rajouter d'ailleurs que dans la loi, le gouvernement défend mal son projet. Il y a une mesure de prise en compte de la dureté de la vie, on peut dire, pour ceux qui ont commencé à travailler avant 18 ans, puisque les gens qui ont travaillé avant 18 ans, ils pourront partir à partir de 60 ans. Voilà. Donc, il y a déjà sur la pénibilité des choses significatives. Je pense aussi qu'il faut mettre en place de manière plus précise une mesure sur les enfants en disant que les enfants vous donnent une réduction de 6 mois par enfant plafonnée à 2 ans. Hein. Donc, si vous avez 19 enfants, ça serait quand même 2 ans. Et donc, et les deux mesures, pénibilité plus enfants, ça fait 2 fois 2 ans, mais on les plafonnerait à 3 ans. Bon. Mais imaginons que vous ayez 4 enfants et la pénibilité. À ce moment-là, vous avez 3 ans de moins sur la durée et sur l'âge de départ. Donc, c'est quand même très, très, très significatif. Ça, c'est le premier élément d'ajustement pour prendre en compte ce que vous évoquiez. Les chiffres que j'ai donnés là sur le fait que, en gros, 15%, disons 1/7 de la population active a des emplois difficiles et qu'un 2/7 a des emplois moins difficiles mais fatigants, c'est à peu près les vrais chiffres. Hein. Donc, ça fait 2/7, c'est pas loin de 30%. Donc, c'est extrêmement significatif comme premier ajustement. Mais le deuxième ajustement, pour moi, il est au moins aussi important, c'est qu'on ne peut pas refaire une réforme paramétrique et puis se laver les mains. Pourquoi ? Il faut s'interroger sur le point que vous avez évoqué, François-Xavier, mais qui on voit bien tourner partout, et on le voit tourner depuis 20 ans à chaque réforme, c'est que les gens, ils en ont marre et qu'ils veulent, pour eux, la retraite, c'est l'Eldorado. Bon. Or, il faut s'interroger sur pourquoi, dans une société de gens rationnels et intelligents, la retraite est à ce point un Eldorado. Ça veut dire que pour une partie significative de la population, et on peut penser que c'est essentiellement les gens que j'évoquais, là, les 2/7 que j'évoquais, ben, ils ne sont pas heureux au boulot. Et s'ils ne sont pas heureux au boulot, qu'ils partent ils espèrent partir à la retraite le moins tard possible. Ok, mais on pourrait aussi travailler sur ce qui fait qu'ils sont pas heureux au boulot. Est-ce qu'on peut avoir d'autres organisations du travail? Est-ce qu'on peut avoir davantage de robotisation pour enlever les... Il y a eu déjà de la robotisation pour enlever les tâches les plus pénibles, mais on doit pouvoir progresser sur la réduction des tâches pénibles. Donc il faut travailler sur l'organisation du travail. Et puis, il faut travailler aussi sur peut-être que les employeurs ne traitent pas toujours leurs salariés comme des adultes qui ont parfois, les gens ont l'impression qu'ils ne sont pas écoutés au boulot quand ils font des propositions. Voilà, donc moi j'ai toujours dit, je me bats pour ça, c'est qu'à côté de la réforme paramétrique que le gouvernement aurait dû faire en 2019, qu'il doit faire rapidement, je pense qu'il faut qu'il ouvre en urgence absolue une négociation interprofessionnelle, justement avec la CFDT, avec les autres syndicats, les syndicats de cadres, l'UNSA, ainsi de suite, la CGT, si elle veut bien y participer, et donc une négociation interprofessionnelle sur la formation. Pourquoi ? On a un énorme problème sur la formation. On dépense de plus en plus, on est un des pays qui dépense le plus au monde, mais on observe que une grande partie des fonds de formation sont, tenez-vous bien, dépensés essentiellement sur les jeunes diplômés. Ils sont jeunes, ils viennent d'être diplômés, et c'est eux qui bénéficient de l'essentiel de la formation. Alors souvent, c'est justifié parce qu'il faut qu'ils apprennent des techniques de travail ou des savoir-faire, mais on forme quasiment pas les gens après 40 ans. Pour moi, ça, c'est complètement taré. Parce que c'est tellement facile après pour un employeur de dire, t'es plus formé, je te vire à 52 ans, 58 ans. Donc ça, c'est pas acceptable. Donc je pense que dans la négociation interprofessionnelle que j'appelle de mes voeux, mais très fortement, le gouvernement aurait déjà dû la proposer. Je pense qu'il faut... Alors moi, je fais une proposition, j'essaye de la rendre la plus audible et mnémotechnique que possible. Donc, je propose que 40% des fonds de formation soient dépensés sur les plus de 40 ans. Voilà, ça, un côté qu'on retient. Retenir. Et donc, voilà, il faut former les gens jusqu'à 60 ans si on veut qu'ils bossent qu'à 64. On ne peut pas arrêter de les former à 35 ans si on veut qu'ils bossent à 64. Voilà. Sachant qu'en plus, pour les métiers pénibles et autres, comme je l'évoquais, il y aurait les bonus de 2 fois 2 ans plafonnés à 3 ans. Enfin, il y a une dernière mesure qui me semble très importante, qui pourrait être incluse dans cette négociation interprofessionnelle. C'est un système que j'avais analysé en Suède, mais qu'il faudrait créer pour la France. C'est ce que j'appelle le système 80-90-100. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très court. Au-delà de 62 ans, parce qu'effectivement, pour avoir 44 ans de cotisation, il y a des gens qui vont devoir travailler jusqu'à 64, voire 65, 66. Donc, on a vu qu'il y avait des mesures pour les emplois pénibles, mais en dehors de ça, il y a des gens qui vont devoir bosser jusqu'à 65, 66. Moi, ce que je propose, c'est qu'après 62, après 62 ans, ils entrent dans le cadre de négociations, cette fois d'entreprise. Alors, il peut y avoir un accord interprofessionnel général, puis ensuite des négociations d'entreprise. C'est qu'après 64 ans, après 62 ans, les gens, les salariés, bon, il faut peut-être un certain nombre de conditions, mais il y a au moins la moitié des salariés qui y répondent, feraient 4 jours par semaine de production. C'est le 80% des 80-90-100. Ils seraient payés 90% de leur salaire, mais le cinquième jour, c'est le 100%, ils viennent, mais ils ne font pas de la production, ils font de la formation. Et ils formeraient les jeunes à la fois en savoir-faire et en savoir-être. Alors, ça serait très utile pour les jeunes, d'une part, mais d'autre part, c'est reconnaître, si on parle très franchement, qu'après 62 ans, vous n'êtes pas que un vieux con. Ça, c'est reconnaître qu'après 62 ans, ben, il y a des gens qui ont acquis des savoir-faire incroyables dans des tas de métiers et qu'il faut les transmettre. Et donc, dans le cadre d'une formation qui serait organisée au niveau de l'entreprise ou au niveau de la branche. Voilà. On a une centaine de branches, bon, donc on peut imaginer qu'il y ait des formations au niveau des branches. Ça peut se faire en lien avec les régions. Donc, la centaine de branches et les 13 régions métropolitaines peuvent travailler ensemble, développer ces formations. Donc, les salariés après 62 ans, ils continueraient de produire 4 jours par semaine, mais le cinquième jour, ils sont formateurs et reconnus comme formateurs parce qu'ils ont des compétences. Voilà, c'est pour moi, ça vaut la Légion d'honneur, quoi. C'est-à-dire, on reconnaît que vous n'êtes pas un vieux con, que vous avez des choses acquises à transmettre. Et je pense que si le gouvernement proposer au-delà du paramétrique qui me semble souhaitable, parce que sinon, comme je l'évoquais, on ne peut pas avoir les gens qui bossent porter 1,5 retraité plus un jeune à l'école. Ce n'est pas possible, les gens vont péter les plombs. Bon. Donc, au-delà de la réforme paramétrique, je pense qu'il faut une énorme négociation sur la formation et sur le système 80-90-100 que j'évoquais. Et puis, par ailleurs, bah, il faut les mesures que j'évoquais sur la pénibilité et sur le bénéfice donné aux gens qui ont Des éduqué enfants. des enfants. Et alors, j'ai une dernière question parce qu'on a Oxfam qui a sorti un rapport il y a 1 ou 2 jours. Et c'est un rapport qui a fait vraiment beaucoup de bruit et dans lequel Oxfam disait qu'en fait, il suffisait de taxer les riches. Et notamment, là, j'ai fait un sondage parmi mes abonnés. Donc là, Oxfam, pour eux, il suffit de taxer 2% de la fortune des milliardaires pour financer les déficits de la retraite. Et on voit que 80, alors j'ai eu presque 4 000 votants, et on voit que 85% des gens qui ont voté sont pour cette solution. Bien sûr, c'est une solution magique. C'est un peu une solution magique, oui. Voilà. Mais du coup, est-ce que c'est une solution? C'est-à-dire, est-ce que le fait de taxer les riches, notamment là, les milliardaires, ça change quelque chose et ça permettrait de. Est-ce que c'est faisable et est-ce que ça permettrait de régler le problème sans obliger les gens à travailler un peu plus? Alors la réponse est non, malheureusement. C'est pour ça que je dis que c'est une proposition magique, parce qu'il y a une confusion entre stock et flux. Donc, il manque une quinzaine, enfin, j'ai dit 10 milliards si on s'intéresse uniquement au déficit des régimes privés, 40 milliards si on s'interroge ou s'intéresse à l'ensemble des déficits du système de retraite. Donc, c'est 40 milliards annuels, hein. Ça, c'est le premier point. Et si vous taxez les stocks de richesse des milliardaires, une fois que le stock a disparu, vous n'avez plus de financement. Bon, ça, c'est la première remarque technique. La deuxième remarque technique, c'est qu'on pourrait imaginer quelque chose de ce type si tous les pays du monde le font. Mais si c'est que la France, les milliardaires se barrent. Voilà. Donc, il faudrait au minimum que ce soit toute l'Union européenne. Or, dans l'Union européenne, vous avez des pays qui sont spécialisés. Alors, vous savez que je travaille beaucoup sur la concurrence fiscale. Ça fait plus de 25 ans que je dis qu'il faudrait la même fiscalité sur l'épargne et les entreprises dans tous les pays européens. Mais c'est pas ça la réalité, malheureusement. La réalité, c'est que vous avez 5 pays, que je nomme les 5 pays renégats, qui, dans les 27 de l'Union européenne, font de la concurrence fiscale aux autres. Donc, les pays renégats, hein, c'est le Luxembourg, Chypre, Malte, l'Irlande et les Pays-Bas. Hein. Sous différentes formes de régime, ils font la concurrence fiscale aux autres. Alors là, si vous mettez en place le système d'Oxfam, eux, ils ouvrent les portes grandes pour les milliardaires en leur disant, chez nous, vous n'aurez pas de taxes sur le capital. Donc, au minimum, il faudrait que ce soit une réforme mondiale. Donc, c'est totalement illusoire de faire rêver les gens sur… C'est pour ça que je dis que c'est magique. La troisième raison technique qui fait que ce n'est pas applicable, on peut regretter hein, que ce ne soit pas applicable, mais juste, il ne faut pas mentir, il ne faut pas faire rêver à tort les gens, c'est que… La fortune de ces milliardaires, c'est une fortune à 80% en papier. C'est-à-dire, ce sont des entreprises qu'ils ont fabriquées. Et donc, si vous les obligez à vendre des titres, la valeur des titres va s'effondrer. Et donc, les 2%, peut-être que la première année, ça rapporte une certaine somme. Mais sur la deuxième année, soit les milliardaires sont partis, soit la valeur des titres s'est effondrée, soit les deux. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis que sur le plan technique, c'est une proposition totalement inapplicable et politiquement dangereuse parce qu'elle fait rêver les gens à tort. Le sujet clé du régime de retraite en répartition, c'est ce que j'ai évoqué en introduction, c'est vraiment le chiffre que j'espère que les gens retiendront. C'est un chiffre public, hein. C'est juste démographique. C'est 4 actifs cotisants par retraité en 1960, 1,5 en 2040. Voilà. Donc, encore une fois, on ne peut pas avoir un actif qui porte 1,5 actifs qui porte un retraité plus une personne au travail, une personne à l'école. Donc, 1,5 actifs qui porte sur leurs épaules deux personnes, un retraité et un gamin à l'école. C'est pas possible. Personne ne voudra qu'on le ponctionne à ce point. Voilà. Déjà, le taux de ponction en France, calculé par l'OCDE, c'est-à-dire la somme des cotisations sociales et des impôts prélevés sur les salaires, c'est au top mondial. Donc, il y a un moment, si on va au-delà, tous les gens qualifiés vont se casser. C'est pas seulement les milliardaires. Voilà. Donc, il faut mettre en place un régime par répartition. Même le 64 ans qui peut faire peur, mais en 2030, c'est pas pour demain, c'est en 2030, ça sera l'âge de départ le plus bas d'Europe. Et si en plus on met en place ce que j'évoque, c'est-à-dire jusqu'à 3 ans de réduction pour enfants et pénibilité, alors là, 61 ans avec 41 ans de cotise, c'est le système le plus favorable au monde sur le système de retraite. Voilà. Si on met à côté une formation professionnelle massivement renforcée au bénéfice des plus de 40 ans, on peut obtenir quelque chose qui soit plus compréhensible par la population. Je pense que excusez-moi, Il n'y a pas d'arrogance du tout, ça fait juste 30 ans que je travaille sur le sujet. J'ai juste pas l'impression que le gouvernement, enfin, le président de la République et son premier ministre comprennent vraiment ce qu'ils disent aux Français. C'est-à-dire que j'ai l'impression que quand ils parlent sur ce sujet, ils sont en train de lire une note technique préparée par leurs collaborateurs. Donc, c'est assez mécanique. Et ça, c'est vrai que ça donne pas envie. Donc, ça explique ce que vous évoquiez, les deux tiers de Français qui n'en veulent pas. Mais si on disait aux Français ce que j'ai dit, c'est-à-dire vous pouvez avoir jusqu'à 3 ans de réduction selon la pénibilité et le nombre d'enfants, et par ailleurs, il y aura une formation massive pour les plus de 40 ans, et au-delà de 62 ans, on vous traitera pas seulement comme un vieux con, mais comme quelqu'un qui a un capital intellectuel et une richesse de savoir dans les mains, si on dit tout ça, bah, les gens, peut-être, personne ne souhaite partir... à 70 ans, c'est évident, mais pourront accepter plus facilement le 64 ans. Donc je pense qu'il y a un défaut de communication et de compréhension de la part des autorités publiques sur ce dossier. Eh bien, Christian Saint-Étienne, je vous remercie. Je rappelle votre livre, donc « Le conflit sino-américain pour la domination mondiale », qui sort aujourd'hui ou demain. Et puis, je mets un lien dans la description pour ceux qui veulent aller l'acheter chez votre éditeur. Et puis, à vous tous, et ben merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Et je vous dis à très bientôt. Merci, à bientôt.